Eh bien, voilà, triste réalité par rapport à ce que vous venez de voir. Cette jeune femme qui est assise juste à côté de sa maman, elle est partie de Paris, quittant Paris pour se rendre au Cameroun parce qu'elle aurait appris que sa mère était gravement malade. Et quand elle arrive, c'est pas la maman qui va mourir, c'est plutôt elle qui va mourir le jour où elle avait décidé de quitter le Cameroun pour revenir en Europe, pour revenir à Paris, dit-on. La sorcellerie, le diable, toutes ces choses existent bel et bien. Mais les gens vivent sur cette terre comme si le diable n'existe pas, puisqu'il a passé le temps à faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Et si beaucoup savent qu'il existe, ils prennent des précautions en allant bien sûr chez les féticheurs, chez les marabouts, dans la coutume, dans la tradition. La plupart de ceux qui vont regarder ces images, voici la jeune femme qui, en quittant Paris, ne se rendait pas compte que c'était son dernier voyage, ne se rendait pas compte qu'elle ne va plus jamais revenir ici à Paris, ne se rendait pas compte qu'elle sera remplacée. Voilà ce que fait, voilà ce que font les sorciers. Lorsque tu n'es pas dans le système et que l'un de tes parents est dans le système, dans une confrérie, et ayant déjà bouffé, comme on le dit, sacrifié. Avant de sacrifier, il a bouffé, il a eu la tontine, dont la tontine venant des autres sorciers, ils ont bouffé les membres de leur famille, les sacrifices des autres sorciers, il a eu des partages, il a eu tout ce qu'il a eu comme étoile venant des membres des familles de ces sorciers qui sont avec cette personne dans une confrérie. Et tout ce monde, ils vont vous demander aussi de sacrifier les membres de votre famille. C'est certainement ce qui est arrivé, bien sûr, à cette maman qui, ayant déjà bouffé, ayant déjà avalé les étoiles des autres femmes, des autres filles, des autres enfants, dans la confrérie, et on a demandé à cette femme de donner aussi la fille, peut-être unique, où elle avait d'autres filles, où elle avait d'autres enfants, mais il fallait donner quelqu'un qui a de l'importance. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Le diable connaît l'importance du sacrifice. Et quand il doit prendre un sacrifice entre tes mains, il ne prend pas n'importe quoi. Ils ont donc dans la confrérie exigé certainement à cette dame, avant qu'elle ne tombe malade, avec à cette vieille maman, avant qu'elle ne tombe malade, de donner sa propre fille qui vivait à Paris. Elle a donc refusé. La confrérie a donc voulu peut-être prendre la maman, elle est tombée malade. Et quand elle a vu que c'était du sérieux, et sa fille est descendue, effectivement, au Cameroun, et finalement, elle a accepté de livrer sa propre fille. Quand elle prend la résolution de revenir sur Paris, après avoir assisté sa maman, au cours de cette maladie, elle a certainement amené de l'argent. On a amené peut-être des féticheurs, des guérisseurs, faire des trucs, elle a payé, puisque c'était la fille qui pourvoyait aux besoins de la famille. Le diable ne pouvait pas prendre un soulard, ou bien un chômeur, quelqu'un qui n'est pas utile à la famille. Et la fille, elle est morte, je crois hier, ou avant-hier, je ne sais pas à quel moment cela s'est produit. Elle est décédée. Et nous avons des images. On fait sortir le corps. Peut-être elle est décédée à la clinique. On ne sait pas. Il y a d'autres qui crient et tant pis. Mais la plupart de ceux qui crient, c'est les mêmes qui ont mangé. Les gens qui sont en train de crier, la plupart parmi eux sont effectivement ceux qui ont mangé en sorcellerie. Puisque le diable existe bel et bien, mais il fait croire à plusieurs qu'il n'existe pas. Le terme, comme la Bible le dit déjà, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde est divisé en deux parties. Nous, nous sommes de Dieu, dit la Bible, et le monde entier est sous la puissance du diable, sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. Le terme monde fait souvent référence au vaste système de ce siècle dont Satan tient les rênes et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Ce que nous voyons sur les images aujourd'hui, voici cette jeune femme qui est couchée. Est-ce que c'était mauvais de quitter pour aller assister sa mère qui était malade? Mais elle ne savait pas que derrière ça, il y a des actions secrètes que le patron du monde mène et que elle-même ne pourra plus jamais revenir, c'est elle qui sera sacrifiée. Et lorsque la Bible parle du monde, elle ne fait pas seulement référence au mal, à l'immoralité et au plaisir du monde pécheur, mais aussi à l'esprit de rébellion contre Dieu. L'esprit de rébellion qui est opposé ou indifférent à Dieu et à sa révélation. Cet esprit de rébellion qui s'oppose à Dieu et qui est indifférent à sa révélation. Sa révélation ici, c'est Christ, Jésus. Et qui existe dans toutes les sociétés humaines, cet esprit de rébellion. Existe dans toutes les sociétés humaines. Dans les villages, dans les villes, dans les grandes villes, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les quartiers, partout. Si on avait demandé à cette jeune fille d'accepter le Seigneur avant de partir, comme ils ont l'habitude de dire au Cameroun, les Yesupem, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Dans les Yesupem, moi je suis catholique, moi je suis protestant, et pourtant tu n'es pas né de nouveau. Si elle avait été née de nouveau, là où elle est couchée, je dis bien née de nouveau, pas appartenir à une religion, elle n'allait pas être remplacée. Jamais du tout. dans le système de ce monde passe autant à saboter tout ce qui vient de Dieu, afin que les êtres humains que Dieu a créés restent toujours la proie de Satan. Selon Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions du monde et non sur le Christ. Elle a été donc la proie de sa famille, la proie de la sorcellerie familiale. Dans la nourriture, elle a été mangée. Quelqu'un dira, comme il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire, il dit, j'ai honte de... Non, c'est pas celui-là. Il dit, l'autre a dit, dans un autre commentaire, oui, les Africains aiment toujours parler de la sorcellerie. Qui vous dit que c'est la sorcellerie? Eh bien, tu vas nous dire que c'est quoi? C'est Dieu. Le diable a un système. Et ce système diabolique efface, ne veut pas que l'on sache que le diable existe, qu'on ne parle même pas de lui. Pourtant, c'est lui qui travaille. Et la plupart de ceux qui nient l'existence du diable sont des sorciers. Ils savent qu'il existe. Ils viennent sur les réseaux et disent que, ah oui, vous aimez trop parler du diable. Qui vous dit que c'est le diable? L'Africain aime ça. Et pourtant, le diable n'est pas seulement en Afrique. La sorcellerie n'est pas seulement pratiquée en Afrique. Elle est pratiquée ici, dans tous les systèmes. Dans les entreprises, ici en Europe, tu vas trouver la sorcellerie. Dans les systèmes philosophie, dans la psychologie, les désirs, dans les gouvernements, tu vas trouver la sorcellerie. Dans la culture, tu vas trouver la sorcellerie. Dans le système éducatif, tu vas trouver la sorcellerie. Dans la science, tu vas trouver la sorcellerie. Dans l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, de l'agriculture. C'est pourquoi la Bible appelle ça le système du monde. N'aimez point le monde. Et tous ces systèmes s'opposent à Dieu et à son peuple. Ils s'opposent à sa parole. Ils s'opposent aux critères de justice établis par Dieu. Par exemple, Satan peut se servir du secteur de la médecine pour promouvoir le meurtre, des foetus par exemple. Il peut se servir de l'agriculture pour promouvoir, pour produire des drogues, telles que l'alcool et aussi tout ce qui est narcotique, qui ne feront que ronger la vie des personnes qui s'y adonnent. Il se sert de la religion pour éloigner les gens du vrai Dieu. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau dans une religion, celle-ci appartenait certainement à une religion. La maman, les parents sorciers dans cette famille, appartiennent à plusieurs religions, peut-être catholiques, peut-être, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et ils continuent à pratiquer la sorcellerie librement. Tous ces gens s'opposent, tous ces systèmes que je viens d'énumérer s'opposent à Dieu. Donc, il peut utiliser le système éducatif, qui est également à la merci, comme ici en Europe, à la merci de Satan. C'est la sorcellerie. Il s'en sert du système éducatif pour promouvoir l'impiété, pour promouvoir les philosophies humanistes. Les médias, quant à eux, serviront à détruire les normes de piété. Les croyants doivent donc prendre conscience que derrière toute entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit derrière la coutume dans nos villages, nos traditions. Il y a des puissances diaboliques, sataniques, qui sont établies par le système du monde pour détourner, afin de pouvoir nous détruire. Satan a organisé le monde en système politique, culturel, économique et religieux. Ils sont fondamentalement hostiles à Dieu et aussi à son peuple. Si on avait dit à cette fille, va voir Charlie Somba, elle allait m'insulter. Elle vit à Paris, j'ai une église à Paris. Elle allait m'insulter correctement. Ah, c'est un escroc, ah, c'est un bandit, ah, c'est un sorcier, ah, ceci. Mais la sorcellerie qui est dans sa famille, elle ne voit pas ça. Elle y va. Oh, elle a été envoyée en Europe pour être exploitée. Il y a beaucoup qui vont prendre la décision en disant, oh oui, je n'irai plus jamais au Cameroun, même si quelqu'un meurt. Mais tu penses que c'est le fait d'aller au Cameroun qui est quelque chose? C'est d'aller en Afrique qui est quelque chose? Ils te retrouvent ici. Ils viennent te retrouver ici. On a assassiné une à Bâle, en Suisse. Si c'est à Bâle, c'est dans quelle ville suisse? Il y a de cela 2 ans. On l'a assassiné avec les armes blanches, couteau, poignardé, dans son appartement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 3 ou 4 mois plus tard, après cet assassinat, les membres de sa famille, dans les environs de Yaoundé, ils ont amené un garçon, là au ministère, qui avait commencé à confesser ce meurtre dans leur village. Ils l'ont amené au ministère à Yaoundé. Le garçon a commencé à parler. Il dit, c'est notre confrérie qui est allée assassiner notre sœur en Suisse. Des mois avant la mort de cette femme en Suisse, je vais vous montrer les images ici. Avant sa mort, c'est lui qui confessait ces choses, qui déclarait. Il a dit, il est allé en Suisse sans billet d'avion, sans avion, sans passeport, sans visa. Il s'est retrouvé dans le bureau, dans le service où la femme travaillait en Suisse. Elle ouvre son bureau, elle va au travail le matin, elle ouvre son bureau, et elle trouve la femme qui a été assassinée. Avant son assassinat, elle trouve le monsieur, son cousin, assis au bureau. Alors, vous allez me dire, ceux qui disent que le diable n'existe pas, c'est pas de la sorcellerie. Dites-moi un peu, c'est quoi selon vous? Que quelqu'un vit en Afrique, toi tu ouvres ton bureau en Europe le matin, tu sais qu'il vit en Afrique, et tu ouvres le bureau et tu le trouves assis dans ton bureau. Le bureau était fermé. Il est entré comment? Il est arrivé en Suisse comment? Sans passeport, sans visa, sans prendre l'avion. Tu peux me dire? Et quelques mois plus tard, la femme est assassinée. Et il vient confesser ça au ministère au Cameroun, de la confrérie, cette confrérie qui s'est organisée pour détruire. Et c'est la seule femme qui pourvoyait à leurs besoins. Voilà ce qu'on appelle sacrifice. Voilà ce qu'on appelle sacrifice. Le monde et l'Église véritable sont deux groupes bien distincts l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont sous la domination de Satan. Ceux qui appartiennent à Dieu, selon 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance de Satan. Voilà le résultat. Je répète, si on avait dit à cette fille, avant d'aller au Cameroun, va dans l'église de Charleston. Elle est camerounaise. D'autres vont dire, oui, moi je n'irai plus jamais. Si j'entends que quelqu'un est mort ou il est malade, je n'irai plus. Il ne quitte pas le Cameroun pour venir coucher avec vous dans les rêves ici, en Europe, pour vous détruire, détruire vos entreprises. Et c'est les mêmes qui utilisent donc les calomnies afin que vous ne puissiez pas venir là où nous sommes. Parce que ils veulent vous apprivoiser, vous garder comme dans une cage. Ils viennent vous chercher à chaque fois que le moment arrive, le temps arrive pour que vous soyez égorgés. Comme ils ont égorgé cette fille. Là voilà. Ils l'ont égorgé. Assassiné. Dans ce monde donc, la Bible parle de la convoitise de la chair. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les coutumes, les traditions. On dit coutumes africaines. Traditions africaines. Il y a d'autres filles qui quittent ici pour aller chercher les fétiches en Afrique. Pour aller rencontrer, ils dépensent tout leur argent. Et après, on te tue. Il y a d'autres filles qui quittent ici pour aller, surtout les filles qui se prostituent. Pour faire quoi? Pour avoir des attirances. On doit laver mon corps parce que j'ai la malchance. Va voir les féticheurs, va voir les marabouts parce que j'ai la malchance. Pour avoir beaucoup d'argent. Tout ça à cause de l'amour du monde. Je veux avoir beaucoup d'argent. D'autres quittent ici pour aller adorer des crânes. Les bambinékés. Pour aller adorer des crânes. On déterre les crânes, tu fais des sacrifices. On dit accepte Jésus, après tu meurs comme ça. On te sacrifie de cette façon. Quel système de protection vous pouvez avoir dans ces choses? Quelle protection? Quelle protection? Satan est le Dieu de ce siècle. Jean chapitre 12, verset 31. C'est écrit. La convoitise de la chair comprend des désirs impurs. La poursuite des plaisirs impies et sensuels, convoitise la chair. La convoitise des yeux, c'est-à-dire convoiter, désirer ce qui est agréable aux yeux, mais interdit par Dieu. Y compris le désir de s'adonner au plaisir pécheur. Aller chez les fichiers, les marabouts, les désirs sexuels, mais c'est tout ça. À l'heure actuelle, on pourrait parler du plaisir que peuvent procurer la pornographie, la violence, l'impiété, l'immoralité, au théâtre, à la télévision, au cinéma, ou dans les magazines, dans les bars. Voilà le monde. Dans les traditions, dans les coutumes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et qui est donc le patron du monde? Satan. L'orgueil de la vie fait référence à l'esprit d'arrogance, d'indépendance, qui ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur, ni sa parole comme étant l'autorité suprême. Ah, c'est des hommes qui ont écrit. Votre Bible là, c'est des hommes qui ont écrit, non? L'alcool. Là, le Cameroun est prisonnier de Satan à cause de l'alcool, le Cameroun. Le monde est prisonnier de Satan à cause de l'alcool. Les croyants, selon la Bible, ne doivent pas s'associer de façon intime à ceux qui prennent part au système corrompu de ce monde. Ne doivent pas s'associer. C'est pourquoi ils sont obligés de persécuter, de mentir, de fabriquer des histoires contre les pasteurs. Ils haïssent la parole de Dieu. Le système de ce monde. C'est pourquoi le monde est pour le chrétien véritable une source de difficultés et non de bonheur. Une source de problèmes. On doit le haïr, on doit le persécuter. Une source de souffrance en même temps. Tout ceci est attesté par la Bible. Une source de difficulté, Jean chapitre 16, versets 2 à 3. Une source de haine, Jean chapitre 15, verset 19. Une source de persécution, Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Marc chapitre 28. Chapitre 10, pardon, verset 28, verset 29, verset 30 et autres. Une source de souffrance, Romains chapitre 8, verset 23, verset 22 à 23. 1 Pierre chapitre 2, verset 19 à 21. Satan compte sur les attraits du monde pour détruire la vie de Dieu dans le chrétien. Donc, il compte sur les attraits du monde. C'est pourquoi la Bible précise de ne pas aimer le monde. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il va utiliser tous les feux d'artifice que vous voyez là, soi-disant luxe, l'or, le diamant, et ici l'argent, les richesses. C'est ce qu'il a fait avec Jésus, Matthieu chapitre 4. Le système de ce monde n'est que temporaire. Dieu finira par le détruire. Daniel chapitre 2, verset 34 à 35, jusqu'au 44. Dieu finira par le détruire. Il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 7, verset 31 qui le dit. Il y a aussi 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 10 qui le dit. Il y a aussi 2 Pierre, chapitre 3, verset 10 qui le dit. Apocalypse chapitre 18, verset 2. Et même en ce moment, le monde passe. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Le monde passe. C'est pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Mais les chrétiens se comportent comme si réellement nous sommes éternels. Nous allons vivre éternellement dans ce monde. Au point où on oublie l'essentiel qui est le royaume des cieux. On reste attaché. Je veux le mariage, je veux ceci, je veux cela, je veux... Tout ça est important. Mais Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement. Vous devez d'abord naître de nouveau et vivre dans ce qu'on appelle la sanctification. Sans cette sanctification, personne ne sera enlevé. Personne n'entrera au ciel. C'est pas parce qu'on a créé que je suis religieux, je vais à l'église, j'appartiens à telle église, et puis toi tu continues dans tes bêtises. Regardez cette jeune fille qui va périr. Elle est allée assister sa mère. Assister sa mère qui était malade. Et c'est elle qui meurt. C'est elle qui meurt. C'est bien parce que c'est la page de sur la publication de mouvement des consciences. Faut-il la publication de mouvement de conscience? Une page Facebook du Cameroun. Mouvement des consciences. Prenez conscience sur ce qui s'est passé. Vous, Camerounais. C'est celui-ci qui a écrit, si c'est Antoine, il dit, raisonnement purement africain, qui vous a dit que les sorciers sont responsables de sa mort, que je déplore aussi. La maladie ne peut-elle pas tuer une Européenne? La maladie ne peut-elle pas tuer une Européenne? N'importe quoi. Derrière la maladie, qui est derrière la maladie, c'est Satan. Parce que les gens ne lisent pas la Bible. Qui est derrière la maladie, c'est Satan. Qui est derrière les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est Satan. Satan a organisé, je viens de le dire, a organisé le monde en système politique. Les systèmes politiques qui tuent aujourd'hui, qui pillent, la corruption et tout ce qui est dans le système politique. Qui est derrière ça? C'est pas Satan. Dans le système culturel, qui est derrière ça? La culture, c'est quoi? C'est la sorcellerie? Qui est derrière ça? Les idoles, les arts, les représentations des choses d'en haut, d'en bas, des choses qui sont sur la terre. C'est pas interdit dans la Bible? Et qui fait la promotion de tout ça? C'est pas Satan? Dans le système économique, qui est derrière ça? C'est pas Satan? Dans le système religieux. Et tous ces systèmes sont fondamentalement hostiles à Dieu. Hostiles à Dieu. Tous ces systèmes. Parce qu'ils font ce qui est mauvais. Comment vous allez me dire que vous fabriquez les armes? On dépense des centaines de milliards comme un pays comme les États-Unis. On parle de 600 milliards de dollars par an, rien que pour les armes. Et pour avoir un rendement, il faut les vendre. Et pour les vendre, il faut organiser les guerres. Donc c'est les mêmes pays qui fabriquent les armes, c'est les mêmes pays qui sont les instigateurs, qui organisent les guerres dans le monde entier. Et ils viennent, ils font semblant d'arranger le problème. Mais ça c'est quoi? C'est pas Satan? C'est pourquoi le système est opposé à Jésus, à tout ce qui parlait de Jésus. Par exemple, si je viens à vous et je dis, voilà, Jésus guérit. Le système de la médecine, ils vont dire, exercice illégal, illégal de la médecine. En Belgique, on a traduit un pasteur en justice. Parce qu'il a prié et quelqu'un a reçu la guérison. Sur le cancer, il était traduit en justice. Exercice illégal de la médecine. Mais il n'a pas guéri avec les médicaments. Il a guéri avec la puissance de Dieu et pour vous amener à croire. Et on appelle dans les pasteurs, ce genre de pasteurs qui prient pour les malades, ce sont des charlatans. Donc ils ne sont jamais les bienvenus dans le système médical. Ceux qui délivrent, les sorciers les appellent quoi? Les escrocs. C'est pourquoi vous allez voir la plupart de ceux qui se disent pasteurs. Ils viennent sur les réseaux, ils vous disent quoi? Charles Samba livre les âmes à Satan. Or, ce que vous ne savez pas, que ce sont des envoyés de Satan. Jésus-Christ a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Qui a tué cette jeune fille? Ce n'est pas un démon. C'est le démon de sorcellerie de sa famille. Et si ce démon avait été chassé, mais il y a des coutumes dans la famille, avant d'enterrer, le jour même qu'on va l'enterrer, ils vont recommencer à faire des coutumes. Parler à son cadavre, en disant, c'est lui qui t'a tué, peut-être on va déposer l'argent, voilà des coutumes. On dépose l'argent sur la main du cadavre, on dit, va porter plainte. Or, la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Le royaume du monde et le royaume de Dieu sont par nature incompatibles. Les deux s'excluent mutuellement et sont à l'opposé l'un de l'autre. Ils ne peuvent jamais coexister. Les vrais chrétiens ne se reconnaissent donc pas à un amour habituel pour le monde. Pas plus que les gens du monde ne démontrent une affection sincère pour l'évangile, pour l'église, vraie église. Un vrai chrétien ne peut jamais avoir ami comme une personne païenne. Et un païen ne peut jamais avoir ami comme vrai chrétien, né de nouveau. Mais il y a des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui ont des amis païens. J'ai dit, qui ont des amis païens. Et tu te dis chrétien. Il existe clairement une ligne de démarcation bien définie entre les choses de Dieu et les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Étant donné que les croyants sont pardonnés. Pardonnés. Dieu les a pardonnés. Ils ont été délivrés du péché originel, adamique, lavés par le sang de Jésus et non pas par le parfum ou bien différentes ablutions, lavés la malchance dans les coutumes, dans les traditions. Tu vas voir un féticheur ou bien un patriarche, on doit laver la malchance sur moi parce que j'ai la malchance. Je ne rencontre pas un homme qui me donne l'argent, je ne rencontre pas ceci, je ne rencontre pas ceci dans les affaires, on doit laver la malchance. Voilà le système du monde. Si quelqu'un aime le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la signification de tout ce qui est dans le monde, et vient du monde, et vient du monde, apparaît dans les trois descriptions que Jean a utilisées. Les trois catégories de péché. Le péché est donc la réalité dominante dans le monde. C'est le péché vient de qui? De Satan. Et à partir du verset que nous venons de lire, il est utile d'examiner plus en profondeur la question du péché qui constitue par définition la transgression de la loi de Dieu. Le péché est donc, à savoir, toute violation de la loi parfaite et sainte de Dieu. C'est ce que le monde ne veut pas entendre. Mais derrière cette désobéissance, ce rejet, il y a la mort. Elle est morte. Si elle avait Jésus, elle ne pouvait pas mourir. Tu vas mourir. Mais un enfant de Dieu ne peut jamais être tué par un sorcier, envoûté par un sorcier. Même pas ton propre enfant. Même pas ton propre enfant. Une fille comme celle-ci qui s'en va. La Bible dit, la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est pourquoi les gens haient l'évangile, haient toutes les églises de réveil. C'est parce que les gens sont pécheurs que le mal a raison de l'humanité déchue. Tout ce à quoi pensent et tout ce que font les personnes non régénérées sont des choses impies qui relèvent du péché. Car le péché domine complètement leur esprit, leur volonté, leur affection. Tout ce que une personne qui n'est pas régénérée, tout acte qu'il peut poser, même sa façon de manifester l'amour, cet amour est toujours teinté d'hypocrisie, avec un intérêt derrière. Dans le mariage, vous allez rencontrer les mêmes choses. On se marie aujourd'hui parce que tel est bien. Il est riche. Il a de ceci, il a de cela. Est-ce que c'est le vrai amour? C'est pas l'amour de Christ, ça? La Bible parle de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu, qui ne se manifeste pas derrière un intérêt quelconque. L'amour n'est point envieux. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. C'est pourquoi, quand Jésus, la Bible déclare, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole, sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans un lieu secret qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Matthieu chapitre 7, verset 14 à 23. Vous pouvez aussi voir Genèse chapitre 6, verset 5. Dans les paroles du Seigneur illustrent la doctrine du péché originel. Tout péché provient de la nature déchue de l'humanité. Et cette nature est issue de la désobéissance initiale d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3. De la désobéissance initiale. Toute notre nature, tout ce qui arrive aujourd'hui, de la désobéissance initiale d'Adam. Donc, Genèse chapitre 3, tout le chapitre, Psaume 51 verset 7, Psaume 58 verset 4 également, Éphésiens chapitre 2 verset 3, chapitre 4 aussi verset 17 à 19, Colossiens chapitre 2 verset 3. Depuis le péché fait donc partie intégrante de la vie de tout être humain. Romains chapitre 5 verset 12 à 21. C'est pourquoi là, il faut une régénération. Une régénération. Un rachat. Comprenant le grave danger que le péché pose, l'apôtre Jean résume les moyens auxquels le monde a recours pour inciter les gens à pécher. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair désire les désirs pervers et ignobles du cœur méchant. La chair fait allusion au caractère humain et à son essence impie. Les adultères, les impudicités, le luxe, les convoitises, tout ce que la chair veut. Quand la Bible parle de la convoitise, dans le Nouveau Testament, qui désigne les désirs tant positifs que négatifs. Luc chapitre 22, verset 15. Romains chapitre 1, verset 24. Philippiens chapitre 1, verset 23. Ici, il fait allusion négativement aux impulsions sensuelles issues du monde qui poussent les gens à transgresser la loi divine. Ce qu'il appelle convoitise, à transgresser les lois divines. Je veux vivre bien, et puis tu entres dans la corruption, tu entres dans les cercles mystiques, tu entres dans les sectes pernicieuses, tu entres dans les confréries, tu entres dans les choses pour avoir du travail, pour avoir, si tu commences à liquider les gens dans la sorcellerie, dans le con, dans le famla, pour avoir de l'argent. À base de quoi? À cause de quoi? La convoitise. La convoitise de la chair évoque en premier lieu les péchés sexuels. Mais bien que ce péché en fasse partie, la signification de cette expression ne se limite certainement pas sur la sexualité. Il veut parler des instincts diaboliques du cœur humain. Ces instincts diaboliques t'amènent à se lancer dans une poursuite incessante et servile du mal qui excède les limites du bien, du raisonnable et aussi du juste. Toute attitude tout propos et aussi toute action qui s'oppose à la loi de Dieu. Ces convoitises englobent tous les excès immoraux au sujet desquels Paul a dressé la mise en garde suivante aux croyants de la Galatie. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités. » Qui est derrière tout ça? C'est Satan, non? C'est le Saint-Esprit? Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Vous pensez que si cette jeune fille avait vraiment donné sa vie au Seigneur, elle appartient certainement à une religion. Si tu vas dans ta famille, tu vas poser la question. Le jour de l'enterrement, il y a un prêtre qui va venir faire la messe, lire la messe. Ça sert à quoi? Elle a été tuée dans la sorcellerie. Et toi, tu viens faire la messe. Cette messe-là sert à quoi? Est-ce qu'elle est encore utile? Ah oui, on te dirait dans la religion qu'elle est utile. Pourquoi? Parce que, oh oui, parce que on doit donner l'argent à un prêtre afin que Dieu accepte son âme au ciel. Or, la Bible précise que c'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Elle a hérité la sorcellerie. Elle a hérité beaucoup de pratiques, de coutumes, de traditions et jusqu'à la religion. Est-ce que l'or, l'argent, la richesse peut acheter, peut donner le salut à qui que ce soit? Jamais. Jamais. La convoitise des yeux. Les yeux sont donc des dons de Dieu, pour commencer, les yeux, qui permettent aux gens de voir sa création, la création de Dieu splendide et ses œuvres excellentes. Mais le diable utilise ses yeux en même temps pour pousser, pour pervertir, pour nous pousser à la tentation. Avec les yeux, tu vois une belle femme, non? Elle est assise là, avec une jupe ventilateur. Quand les gens voient ça, les hommes voient ça, ils convoitent. Parce qu'ils savent ce qui est derrière la jupe. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Tu vois une belle voiture, je dois voler. Avec l'argent, je veux beaucoup d'argent. Parce que tu vois beaucoup de biais. Et tu entres dans la magie. Tu entres dans le femme-là. Tu entres dans les choses pareilles, le con. Tu entres vraiment dans des trucs où tu oublies même Dieu. Tu commences à travailler jusqu'à oublier. Tu travailles même les dimanches. Tu oublies même d'aller adorer Dieu qui te donne la force, l'intelligence. Parce que tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas acheter des appartements. Tu te prostitues. Tu vends ton corps à Satan. Tu te prostitues, la plupart des filles qui partent du Cameroun, de l'Afrique, ils viennent se prostituer à cause de la convoitise des yeux. Parce que la famille aimerait entendre que ma fille est en Europe, elle a construit un immeuble au Cameroun, elle a déjà acheté le terrain, elle m'a envoyé la voiture, elle a fait ceci, la convoitise des yeux. Ils sont donc en train de mourir. Donc c'est par ces yeux-là que la tentation peut aussi entrer. Le péché pervertit ainsi l'usage de la vue. Proverbe chapitre 27, verset 20. Ecclésiaste chapitre 1, verset 8. Et plonge donc les gens dans l'insatisfaction, la convoitise et l'idolâtrie. Ça plonge les gens dans l'insatisfaction. Tu n'es plus satisfait de ce que tu as. Tu n'es pas satisfait de ta femme. Tu n'es pas satisfait de ton mari. Tu vas chercher les choses. J'ai les chaudes, ceux qui sont grosses, ceux qui sont minces, ceux qui sont brunes, à cause des yeux. La femme de Lot a fait mauvais usage de ses yeux, et Dieu l'a tuée pour cela. Genèse chapitre 19, verset 17 à 26. Dieu l'a tuée. Pour ça, elle a été tuée. La femme de qui? La femme de Lot. Acan aussi a pillé le butin interdit qu'il a vu. ce qui a également conduit à sa mort. Josué chapitre 7, verset 18 à 26. De son toit, le roi David a vu Bathsheba. Elle se baignait, ce qui l'a amené à commettre un adultère avec cette femme, péché qu'il a payé chèrement le reste de tous ses jours sur la terre. Il est allé jusqu'à tuer le mari. Convoité des yeux. Il a vu, hein, de loin. Convoité des yeux. À raison de telles conséquences possibles, il est primordial pour les croyants de mettre une garde à leurs yeux. Selon Job chapitre 31, verset 1, Psaume 101, verset 3, 119, verset 37, Jésus met en évidence la nécessité d'éviter de se livrer à la convoitise des yeux. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Matthieu chapitre 5, verset 26, verset 27, pardon, au verset 29. Au verset 29. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Le troisième élément humain qui permet à la tentation d'avoir accès à l'âme, c'est l'orgueil de la vie. Ce genre d'orgueil constitue l'arrogance. L'arrogance. Qui sans doute est à l'origine de tous les autres péchés, y compris la convoitise de la chair et des yeux, du fait que l'orgueil cherche à élever le moi au-dessus de toute autre personne. Comme je viens de l'Europe, je vis en France, je vis à Paris. Je vais voir ma mère m'a appelé que ma mère est malade. J'amène l'argent, je l'amène à l'hôpital, l'orgueil, pour montrer, je viens de l'Europe. Je. Regardez un peu la position. La maman est assise là. Une autre femme est debout. Elle a croisé les pieds. Qu'est-ce que tu vois en ça? C'est bien beau. Mais ce sorcier, ces sorcières qui sont autour d'elle, tout le monde n'apprécie pas ce qu'elle est en train de faire. Même si ce n'est pas sa mère qui était sorcière, il y a les tantes qui sont des sorcières, et il y a les oncles qui sont des sorciers. Tu as amené la nourriture, ils mangent, ils te tuent, tu distribues l'argent, ils prennent ton argent, ils t'envoûtent. Quand tu reviens là du Cameroun, c'est fini pour toi. Le travail, ton entreprise, chute. Et on te dit, va voir Tchalessom. Tu dis, ah, n'importe quoi. C'est un escroc. C'est un voleur. C'est un sorcier. Et pourtant, tu es dans la gueule des sorciers. On te parle de Christ. Moi, je te prêche l'évangile. La bonne nouvelle du salut pour que tu sois délivré de cette sorcellerie. Tu refuses. Parce que les sorciers-là ont déposé des démons sur toi pour te rendre encore incrédule. Parce qu'ils savent que si tu m'écoutes, toi, tu seras délivré. Toi, tu seras libéré. Ils ne pourront plus jamais te toucher. Tu dis, hey, je ne peux plus jamais mettre pied là-bas. Est-ce que ça va ici? Là où tu es ici en Europe, aux États-Unis, partout, ils sont partout, les Africains. D'autres ont pris des décisions qui ne remettront plus jamais leurs pieds dans leur famille respective, dans leur pays respectif. Mais ça marche, où tu remets les pieds. Le sorcier connaît la frontière, connaît l'éloignement, la distance. Il a besoin d'un visa pour venir. C'est toi qui es aveugle, lui n'est pas aveugle. Il connaît, il vient dans ta chambre, dans chaque nuit. Il couche avec toi, il t'envoûte, il utilise tes enfants contre toi-même. Il bloque ton travail, il bloque ta vie professionnelle, il met les démons de rejet, il pisse même sur toi. Tu es couché sur ton lit, même et, vivant dans des beaux appartements aux Champs-Élysées, à Avenue Fort, tout ça, ou bien dans la Côte d'Azur, aux États-Unis. Tu es là, il vient, il pisse sur toi. Quand tu te lèves le matin, tout le monde te regarde comme si tu avais le caca sur toi. sur le corps. Ton mari te regarde comme ça, comme tu avais la tête d'une chèvre. Il vient la nuit, il pisse sur toi, mais tu ne vas pas ressentir ses pipis sur toi. Il met ses cacas sur toi. Tu commences à vivre, c'est-à-dire tu commences à connaître des problèmes, même le patron, ta vie n'a plus de sens. Il vient t'écraser parfaitement. Quand tu te réveilles le matin, tu as des douleurs d'articulation, tu ne sais plus où donner la tête. Tu as des maladies, tu arrives à l'hôpital, et pourtant tu vis dans un pays développé, tu arrives à l'hôpital, ce sont des maladies, ce sont des infections, des choses semblables. Ton système nerveux, ton système de défense. On dit tu as le VIH, tu as le sida, tu as le cancer, tu as ceci. Tous les sorciers vont te faire ça dur. L'orgueil correspond à la corruption des éléments les plus nobles de l'essence de l'homme. C'est ce que Psaume dit, chapitre 10, verset 2 à 6. Proverbe, chapitre 16, verset 18 à 19. À savoir la relation entre Dieu et l'homme a été rompue à cause de l'orgueil. Adam orgueilleux, Satan lui-même orgueilleux. Il voulait placer son trône au-dessus du trône de Dieu, l'orgueil. Au lieu d'accepter cette réalité avec l'humilité et la reconnaissance envers Dieu qui sied, les pécheurs s'exaltent eux-mêmes et cherchent à combler le vide en eux par des choses qui glorifient la créature plutôt que le créateur. Romains chapitre 1 verset 22 à 25. Tu fabriques des idoles. On te dit Jésus qui est Dieu. Marie n'est pas Dieu. Dans la religion. Ah oui, moi je peux aller voir Marie, Marie ira. Pauvre pécheur, prie pour nous. Sainte Vierge Marie, pauvre pécheur, prie pour nous. Jésus-Christ dit, si tu demandes quelque chose à mon nom, quoi que tu l'as reçu, que tu as reçu cette chose-là, et puis toi tu vas chez ma mère. Voilà le satanisme dans la religion. L'humanité défie Dieu et tente avec arrogance de détrôner la souveraineté de Dieu. Il est le souverain de l'univers. Et c'est ça l'orgueil qui est la matrice même de la tentation. L'orgueil. C'est ce qu'on rencontre dans les églises même. L'Écriture nous parle d'une manière concrète. La manière dont Satan s'y prend pour attaquer par ces trois moyens. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu les feuilles des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Jésus, de son côté, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Si tu es fils de Dieu, Monsieur Jésus, ordonne à ces pierres. Et c'est Jésus l'a fait. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaçait sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Luc chapitre 4. Dans les deux cas, Satan a employé la même et triple tentation pour atteindre sa cible. Adam et Ève y ont succombé dans le livre de la Genèse, plongeant ainsi la race humaine dans le péché, la convoitise des yeux, l'orgueil, la convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Le diable a fait donc appel au désir de nourriture chez Ève. La convoitise de la chair, son désir d'avoir quelque chose d'attrayant. La convoitise des yeux et son désir de posséder la sagesse, l'orgueil de la vie, Adam a succombé à la même séduction sans protester et a mangé le fruit de sa femme, le fruit que la femme lui a donné, permettant ainsi au royaume de Satan d'entrer dans le monde pour s'y établir initialement, pour dominer, pour conduire, pour condamner toute l'humanité. Dans le second récit, Satan s'est servi tout simplement d'une approche similaire, en cherchant à faire avorter la mission rédemptrice de Jésus-Christ. Mais ça n'a pas marché. Parce que Jésus connaissait la parole. Si cette fille connaissait la parole c'est qui? C'est Jésus. Elle sera encore bien vivante. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne reçois pas le Seigneur, les mêmes choses, le diable peut passer par d'autres choses, même ici à Paris. Même ici à Paris. Et la Bible dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 3, verset 36. La volonté de Dieu, Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 36. C'est ça la volonté de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il n'est pas dit ici que celui qui appartient à une religion a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Et quand la colère de Dieu demeure sur toi, quand Satan arrive, les sorciers arrivent, ils te détruisent. Dans la troisième raison pour laquelle les croyants doivent ne pas aimer le monde est que celui-ci passe, dont nous sommes des étrangers. Celui-ci passe. Le principe de la mort spirituelle qui imprègne le monde est tout à l'opposé du principe de la vie spirituelle qui opère dans le royaume de Dieu. Ainsi donc, les morts vivants du monde sont destinés à la mort éternelle, en enfer. Les morts vivants, c'est pourquoi Jésus a dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Les morts veut dire « Laissez les morts ». C'est-à-dire, ils sont ceux qui portent le cadavre là sont déjà séparés de Dieu. Ceux qui vont enterrer cette fille-là, il y a là parmi eux les sorciers, il y a ceux qui ne croient pas, il y a ceux qui s'adonnent à la tradition, aux coutumes, ils vont porter le corps de cette fille pour mettre dans la tombe. Comme ce qui est montré ici, ils ont fait sortir le corps de cette fille dans la voiture. Voilà. Ils sont en train de faire sortir le corps de la fille du véhicule. Jusque là-bas, il n'y a pas d'ambulance. Ils sont en train de faire sortir le corps du véhicule. Est-ce que ceux qui transportent le corps là sont vivants, selon Dieu? Non, c'est des morts. Ils ne sont pas nés de nouveau, premièrement. Ça veut dire que Satan peut les frapper à tout moment, comme il vient de faire avec cette fille, en passant par ses propres parents. Si vous aussi, vous ne naissez pas de nouveau, vous n'acceptez pas Jésus, pour naître de nouveau, c'est pas que vous appartenez à une religion. Je répète, vous n'acceptez pas Jésus. Et si vous n'êtes pas délivré, vous allez finir comme cette fille-là. Jésus-Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ainsi donc, les morts vivants du monde sont destinés à la mort éternelle en enfer. Mais les chrétiens sont destinés à la vie éternelle au ciel. Les chrétiens vont mourir physiquement, Mais ils vont vivre spirituellement, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Quand je dis chrétien, il y a une nuance, s'il vous plaît. Tout le monde est chrétien. Les chrétiens qui se font dévorer par les sorciers, les chrétiens qui gardent leurs coutumes, leurs traditions. Avant d'enterrer, on parle au cadavre, c'est un chrétien. Je ne sais pas si c'est un chrétien ou c'est un crétin. Un chrétien qui boit de l'alcool. Un chrétien qui va chez les féticheurs. Dans la tradition, il est là. Adore les crânes, mais il se dit chrétien. Il n'est pas né de nouveau en général. C'est pas pour ça qu'il ira en enfer. Mais il n'est pas né de nouveau. Il est encore habité par le péché originel. Il ne sait pas à quel moment ce péché a été ôté de sa vie. Venez dimanche au temple ici à Paris, tous ceux qui habitent la France. Vous allez finir comme eux là. Vos fétiches ne feront rien. Vos traditions ne feront absolument rien. Les féticheurs eux-mêmes ont besoin du salut. Tout ce que j'ai dit, Matthieu chapitre 13, verset 37 à 50, Hébreux chapitre 12, verset 22 à 23. Le monde passe. Le temps présent indique donc le monde est déjà engagé dans le processus d'autodestruction. Ce monde est déjà engagé dans le processus de l'autodestruction. On parle du réchauffement de la planète, non? On parle des tremblements de terre. On parle des maladies. On parle de la sorcellerie qui avance d'une manière grandissante. Et le monde ne va disparaître parce que Dieu a prévu le détruire. Dieu détruira l'univers physique à la fin du millénium, juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. Quand il doit rétablir le monde. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Mais ce n'est pas ce que Jean évoque ici. Jean anticipe la destruction du système mondial satanique et de tout ce qui s'affectionne à sa convoitise. Tout ce qui sur les convoitises sataniques seront détruits, sont déjà détruits. Puisqu'ils sont déjà séparés de Dieu. À savoir, les convoitises sataniques, c'est quoi? À savoir, ces idéologies opposées à Dieu et à Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 17. Jude, ça a un seul chapitre, et verset 12 à 15. Apocalypse chapitre 18, verset 21 à 24. Le monde se dirige tous à grands pas vers leur damnation éternelle, comme Paul l'a écrit au sujet des impies qui persécutaient les croyants de Thessalonique, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses faits, dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 10. Écoute. Fais dans la volonté de Dieu qui commence par la nouvelle naissance. Là, tu ne seras plus avalé. Voici le serpent de sa famille qui a avalé cette fille. Elle est morte physiquement. Et elle est morte aussi spirituellement. Séparée de Dieu pour l'éternité, c'est l'enfer. C'est pas moi qui le juge. Je regarde la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas mourir comme ça. Qu'une sorcière te remplace. Dans ma famille, mon père avait l'habitude de me dire, quand tu vas rendre visite à quelqu'un qui est malade, si la personne te dit, passe-moi ceci, donne-moi ceci, ne le fais pas. Elle va te changer. Or là, ce sont des protections charnelles, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est de naître de nouveau. On va t'appeler sur le miroir, ça ne marchera pas. On va t'appeler sur une bassine d'eau, de sang, des animaux ou bien des êtres humains, ça ne marchera pas. On va te donner, c'est-à-dire, ton père, ta mère a déjà bouffé les gens dans la sorcellerie, dans la confrérie, et puis, on exige déjà de payer. C'est ce qu'on appelle la tontine dans la sorcellerie. Et toi, tu es son fils, ou bien un oncle, une tante. Tu es sa nièce ou son neveu. Il va donner ton nom, ou bien prendre ta photo. Il envoie là-bas pour que tu sois sacrifié. Ça ne marchera pas. C'est la personne elle-même qui va partir parce que toi, tu as reçu le Seigneur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans la sorcellerie. Aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit. On va te vendre dans le con, ça ne marchera pas. On va t'appeler, c'est le sang de Jésus qui va apparaître sur le miroir. Et le miroir va se briser en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux. Venez recevoir, vous ne pouvez pas recevoir, venez recevoir. Les sorciers passent autant à calomnier les serviteurs de Dieu pour que vous soyez toujours leur proie. Vous continuez à être leur proie. La religion ne protège personne. Tu vas marcher avec ce chapelet accroché sur le refuseur de la voiture, ça ne donnera rien. Tu vas toujours partir. Tu vas même dormir la table, tu arranges un hôtel, la statue de Marie est au-dessus. Et toi, tu dors en bas. Le sorcier viendra te chercher là. Ma mère est morte comment? La bassine d'eau bénite était sous le lit de ma mère. Une bassine d'eau bénite que le prêtre avait donnée. Parce qu'il y a un sorcier, l'oncle, le frère à mon père, qui était mari de nuit de ma mère, qui couchait avec ma mère chaque nuit. Elle est allée raconter ça au prêtre, son prêtre d'Akonan. Parce que je suis d'Akonan, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Le prêtre dit quoi? Je vais bénir l'eau et tu vas mettre ça sous le lit. Mais le jour que maman mettait cette bassine d'eau bénie sous le lit, si le monsieur couchait avec elle une fois par nuit, il venait le faire 10 fois par nuit. La bassine d'eau était toujours là et le chapelet était accroché au chevet du lit. La statue de Marie dormait à la maison. Voilà ce qu'on appelle la religion, ça ne marchait pas. Dans la religion, on ne met pas l'accent sur Christ, sur la nouvelle naissance. On met l'accent, et chaque religion a ses bases. D'autres parlent de sabbat, d'autres parlent de Marie, d'autres parlent de ceci, d'autres parlent de cela. Vous serez tous dévorés par les sorciers. D'autres qui disent que Dieu n'existe pas, Satan n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas, on vous dérange, on vous trompe. D'autres disent que notre Dieu, c'était l'œuvre africain, c'est nos coutumes, c'est nos traditions, on n'a pas besoin des dieux des blancs. On n'a plus besoin des dieux des blancs, la Bible c'est le blanc. Voici comment Satan parle. Et les Africains croient à ces mensonges de Satan. Et ce sont les sorciers qui fabriquent tout ça. Ils vont continuer à vous envoûter, à vous détruire, à vous manger. À vous écraser. Cette fille-là a laissé des choses ici en Europe. Peut-être elle travaillait. Elle ne pouvait pas aller au Cameroun si elle n'avait pas de papier. Peut-être elle était française. Peut-être elle avait son permis de séjour. Elle travaillait. Elle ne savait pas qu'elle n'allait jamais revenir. Elle a dit au revoir aux gens ici. Ici en Europe. Elle a dit au revoir. Mais elle n'avait jamais su qu'elle ne va plus jamais revenir. Jamais du tout. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous devez. Voilà l'adresse au bas du. Venez suivre les cultes. Les dimanches, tous les dimanches. Parce que nous sommes encore en travaux. À demain. Mais, à côté de la gare du Nord, pas loin. Vous venez au culte ce dimanche pour être délivré. Nous parlons de la sorcellerie familiale. Voici la vraie sorcellerie familiale. Comment ça s'est produit au Cameroun? Vraie sorcellerie familiale. Ce dimanche-ci, on parlait de la sorcellerie familiale, là au temple, ici à Paris. Continuez à rester à la maison. Puisque vous êtes à Paris, Est-ce que le sorcier peut entrer ici? Bien. Ici au Luxembourg, je dis bien au Luxembourg, une Congolaise et son mari, qui avaient déjà vécu ici, c'est 6 ans ou 8 ans. Leur vieille maman est restée. La maman de la femme est restée en Afrique. Au Congo, Kinshasa. Mais une nuit, la femme se lève. Elle vit au Luxembourg, une Congolaise avec son mari, Congolais. Elle se lève pour aller faire ses besoins dans les toilettes. Elle trouve à 4 heures du matin la vieille maman assise nue sur le pot du WC, nue. Alors, elle crie en voyant sa mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa mère commence à rigoler. Je vous demande depuis longtemps de m'inviter et vous ne voulez pas le faire. Moi, je suis venu. D'ailleurs, ce n'est pas ma première fois. Et je ne suis pas la seule. Les autres sont déjà rentrés. Et moi, j'ai pris la décision de rester pour vous voir. Maman, tu es venu avec quel moyen? Pourquoi vous voulez savoir? Elle est assise nue sur le pot du WC. Ici au Luxembourg, à côté de la France. Le Luxembourg, si tu ne connais pas, c'est à côté de la France ici. Nue. Elle est arrivée dans la nuit sans passeport, sans visa, rien du tout. Elle vient de l'Afrique sans avion, sans prendre l'avion. Vous qui me dites, ah oui, moi je n'irai plus au Cameroun, hein? Je n'irai plus à la Côte d'Ivoire, je n'irai plus au Gabon, je n'irai plus ici, parce qu'il y a trop de sorcellerie là-bas. Tout ce qui t'arrive ici, tu ne sais pas qu'ils sont responsables. Même si tu fais semblant d'oublier, disant, ah oui, moi la société ça n'existe pas, mais c'est le démon qui parle par ta bouche. Il veut te rendre inconscient. Elle a couru dans la chambre appeler son mari. Quand son mari s'est levé, son mari dit, tu racontes quoi? Il dit, ma mère est dans les toilettes. Ta mère? Les portes sont fermées. Comment elle a fait pour entrer et au salon, traverser, pour se retrouver dans nos toilettes? Le monsieur se lève. Il arrive, il trouve la vieille femme assise sur le pot du WC. Hein? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Hey, toi qui me parles là. Tes diplômes là. Elle s'adresse, la vieille maman s'adresse à l'homme. Il dit, tes diplômes là sont dans mon utérus. Tu ne trouveras, je dirai, jamais un travail. Et le monsieur avait déjà fait, un intellectuel avait déjà fait des années de chômage. Toi, tu ne trouveras jamais de travail. Toi là, il s'adresse à sa fille. Tu vas entendre le cri d'un bébé, ça sera le bébé du voisin. Mais toi, tu ne feras jamais un enfant. Le cri du bébé dans ta maison, que c'est toi qui as accouché, ça ne sera que le bébé du voisin, mais pas toi. C'est sa propre mère qui parle. Une sorcière qui parle. Et voilà ce que moi j'ai fait. Ton utérus, c'est mon caleçon. Comment tu as fait pour accoucher? Et s'adresse à qui? À sa propre fille, sorcière. Nous sommes où? Au Luxembourg. La femme vivait où? Au Congo. Partagez cette vidéo à tous vos amis. À tous vos amis. Il faut également s'abonner. Il faudrait au préalable s'abonner. Vous voulez accepter le Seigneur? Vous suivez nos émissions sur Table Nation. Sur Table Nation, il faut s'abonner. Et n'oubliez pas que c'est dimanche sur cette adresse qui est au bas de votre vidéo. Vous venez là, vous appelez sur le numéro pour se renseigner. Vous voulez me rencontrer, je reçois dans mon bureau. Vous venez. Je parle avec vous. Je vous donne quoi? Jésus, l'apôtre Pierre a dit à l'homme qui était paralysé, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai à te donner, c'est Jésus. Pour que tu sois protégé, pour que tu aies la victoire sur la sorcellerie. Pour que tes affaires marchent, qui sont à terre aujourd'hui, dévorées par les sorciers de ta famille. Pour ton mariage d'école, pour que tu trouves le mariage. Parce que la sorcellerie familiale a tout bloqué, a tout détruit dans ta vie. L'homme aurait pour ennemi les gens de sa propre maison, dit la parole de Dieu. Les gens de sa propre, quoi? Maison. Continuez à écouter les bandits spirituels qui viennent là pour saboter les hommes de Dieu. C'est pour vous amener à n'être plus intéressé et vous allez toujours demeurer la proie de Satan. N'oubliez pas de s'abonner sur cette chaîne YouTube. Le nom de la chaîne, c'est Temple des Nations. Vous cliquez seulement sur le rouge là. S'abonner. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et vous avez le résultat. Regardez une fille qui est partie avec son physique. Elle quitte. La voici. Elle va pour assister ses parents. Elle va trouver la mort de cette façon. Va trouver quoi? La mort. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous tous. On va se séparer à ce niveau-là. Jésus-Christ a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez, ne pleurez pas pour elle, mais pleurez pour vous-même. Parce que ça risque également de vous arriver si vous n'êtes pas vigilant. Être vigilant ici, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. De venir écouter la parole chaque dimanche. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. N'oubliez pas de s'abonner, de partager la vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. N'oubliez pas aussi qu'à la fin de ce mois, nous avons un grand séminaire. Très, très grand séminaire. Très, très grand. Le premier dimanche de ce mois de mai. Le premier dimanche du mois de mai. Si vous habitez la Suisse, n'importe quel pays, vous quittez pour venir. Le premier dimanche, ce premier dimanche, il y a un grand séminaire, vous devez être là. Le premier dimanche, mois de mai, là, quand on dit premier dimanche, tu quittes, tu viens, ça commence à 9h sur la même adresse qui est au bas de votre vidéo. Vous appelez pour prendre donc des renseignements, que Dieu vous bénisse, mais n'oubliez pas que ce dimanche, le séminaire a commencé sur, pour ceux qui habitent Paris, pour ceux qui habitent les environs, vous devez quitter et venir au séminaire ce dimanche à 9h30 et ça finit à 13h30. Que Dieu vous garde. Amen. Ça fait combien de temps ?